39. L'appropriation créative. Lu par Yann G. L'appropriation créative. Le sorcier Harry Potter a touché un public rompu à l'internet, au copier-coller et à la plasticité du numérique. Les sites de fans, en différentes langues, offraient images, extraits, commentaires. En Allemagne, plus de 10 000 lecteurs d'une moyenne d'âge de 16 ans ont même entamé, via un site web et des forums, la traduction depuis l'anglais du cinquième tome de la série qui tardait à paraître. Ce foisonnement a vite attiré l'attention des titulaires de droits. Fin 2000, la Warner Bros., le producteur du film tiré du livre de Rowling, a décidé d'y mettre un terme. Aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne et à Singapour, des adolescents ont ainsi reçu des courriers d'avocats les sommant d'expurger leur site d'images ou d'extraits du texte, considérés comme autant d'atteintes aux droits des marques et au copyright. Il n'y avait pourtant là aucune visée commerciale. L'éditeur allemand, lui, a dépêché un avocat pour encadrer les apprentis traducteurs. Un compromis fut trouvé, ils purent poursuivre leur travail à condition de ne pas le mettre en libre accès et de le réserver aux seuls membres de la communauté de traduction. L'attitude des fans du jeune sorcier va au-delà des pratiques de l'échange où l'on copie à l'identique. Ses adeptes ont engendré une forme de création dans l'œuvre, pour reprendre l'expression de Peter Sandsy, une inventivité qui prolonge l'appropriation symbolique d'une œuvre considérée comme intangible. Désormais, comme le souligne Daniel Kaplan, l'assimilation de l'œuvre par son destinataire peut aller plus loin, plus vite. Le public dispose des outils pour explorer, extraire, modifier, détourner et recombiner l'œuvre qui lui est soumise. Ce qu'il faisait en son fort intérieur, il peut désormais le concrétiser à l'aide d'un ordinateur, il peut également enregistrer le résultat, le reprendre et le montrer à quelqu'un d'autre. Cette assimilation créative va de la forme la plus sommaire à la plus aboutie, ce qui a parfois être reconnu comme œuvre à part entière. Que l'on pense aux DJ, tout ce qu'ils font, avec une virtuosité confondante, ce n'est rien de plus que ces gestes que j'exécute. En privé, dans le confort d'une chambre, je règle le volume, je saute de plage en plage, je mélange ou mixe deux disques, je les ralentis ou les accélère. Remarque Peter Sandsy. Dans un registre artisanal, on peut citer le Mix Club du webmestre Creed. Il y propose une sorte de bourse d'échange de compilations mixées, où chacun envoie par la poste sa propre compile, et en reçoit une autre. Ce reste de la pure et simple piraterie, dans le but d'économiser quelques dizaines d'euros? Que l'on en juge avec cet avertissement sur le site, si vous souhaitez que la personne qui héritera de votre compilation l'apprécie, essayez d'y mettre de vous-même, tout en étant original. Soyez exigeant, surprenant, charmeur, mais pas barbant. Pour Creed, une compilation n'est pas une playlist de plus, c'est un disque, où la personnalité des auteurs et chanteurs originaux croît celle du compilateur.